الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع أثرهم إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Donc nous sommes arrivés à l'étude du 10e hadith bihamdillahi azza wa jal وإعانته إيانا d'après Abu Huraira رضي الله عنه le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers ensuite il récita la parole du Très-Haut ô vous les messagers mangez de ce qui est licite et faites le bien car je sais parfaitement ce que vous faites. Elle est très haut dit aussi, ô vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons pourvues. Et remerciez Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Ensuite il a mentionné un homme qui voyagea un long moment. Les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, levant les mains vers le ciel en invoquant Allah. Ô Seigneur, ô Seigneur, alors que ce qu'il consomme est illicite, ce qu'il boit est illicite, ses vêtements sont illicites, et qu'il fut nourri que par l'illicite, comment serait-il exaucé? Comment serait-il exaucé? Apporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, qui est donc rapporté par Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah tayyibun » Certes Allah est bon, tayyibun, al-tayyib, ay al-tahir, al-munazzah, an jami'i al-naqais wal-uyub, al-tayyib, الذي لا يعتريه نقص. Certes Allah est طيب. Il est bon. Il est pur. C'est-à-dire celui qui est purifié de tout manquement et de tout défaut. الطيب. ومن صفاته الطيب. Et parmi ses attributs, le fait d'être bon. Allah Azza wa Jal est bon. Allah Tabaraka wa Ta'ala est pur. Allah Subhanahu wa Ta'ala est purifié de tout manquement et de tout défaut. Subhanahu wa Ta'ala. Tayyibun fi dhatihi Tabaraka wa Ta'ala. Tayyibun fi asma'ihi Subhanahu wa Ta'ala. Wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى طيب في صفاته سبحانه وتعالى، طيب في أفعاله عز وجل. الله تبارك وتعالى طيب، il est bon, il est pur, il n'a aucun manquement. Dans son être, son essence, subhanahu wa ta'ala, il est pur, il n'a aucun défaut. Dans l'ensemble de ses noms, il a la perfection totale. Il n'a aucun manquement, aucun défaut. Allah nous dit dans le Coran. Il y a quelqu'un qui cherche Hassan Boulghaib, son père il doit être là, il attend dehors. Qui ça? Hassan Boulghaib. Hassan. C'est quelqu'un qui s'appelle Hassan. Hassan Boulghaib. D'accord. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est pur dans ses noms, par les noms les plus parfaits, les plus complets. Il nous dit dans son livre, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Il est tayyibun, il est bon et pur et n'a aucun défaut également dans ses attributs subhanahu wa ta'ala. Walahul mathalul a'la, ayil wasf al-a'la. Mais Allah dans son livre nous dit qu'il a les attributs et la description la plus élevée, la plus parfaite, la plus complète. Allah subhanahu wa ta'ala est tayyib, bon et n'a aucun défaut également dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses actions subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah fait est tayyib, bon, pur et parfait. Donc dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, tu ne trouveras jamais de défaut et jamais de manquement. خلق الخلق خلق السماوات خلق الأرض خلق الإنسان وكل ذلك طيب لأنه فعل طيب الذي لا يعتريه نقص. الله يسلكك. Tout ce qu'il y a, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé ce qu'il y a entre les deux, il a créé l'homme, et tout cela est pris. Si tu lèves ton regard et tu regardes le ciel, tu verras qu'il est pris. Si tu regardes le soleil, tu verras qu'il est pris. La lune également. Et tout ce qui suit son cours, que ce soit dans les cieux ou sur terre, tu verras que c'est tayyib. Tu verras que la nuit ne devance pas le jour, et que le jour ne devance pas la nuit. Tu verras que la lune commence par un croissant de lune ou un filet, ou un filament plutôt, et que ça grossit jusqu'à atteindre la pleine lune, et ensuite ça diminue, et il n'y a aucun manquement dans cela. Tu vois qu'Allah Azza wa Jal a orné le ciel d'étoiles afin de l'embellir. Tu vois que cette terre est tayyiba et aywan. Tu vois que ce bas monde aussi est tayyib. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur cette terre tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour avoir notre subsistance. La création de l'homme est tayyib. La création de l'homme est tayyib. Lorsque tu regardes l'homme et comment est-ce qu'il a été créé, tu verras qu'il est tayyib. Tu verras qu'il est tayyib. Et même ceux qui ont un handicap ou ceux qui n'ont pas la même apparence que tout le monde, ben sache que même ça c'est tayyib. Car celui qui l'a créé c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est tayyib, et Allah est bon, pur, parfait et n'a aucun manquement. Et même si de ton point de vue à toi tu vois que cette personne de par son handicap a un manquement, ben sache que l'acte d'Allah est tayyib et la création d'Allah est tayyiba. Car derrière cela, il y a beaucoup de sagesse que tu n'atteins pas de par ta science. Par exemple, lorsque, premièrement, c'est tayyib car c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé et Allah ne fait que ce qui est tayyib. Deuxièmement, on affirme que cela est tayyib car il y a une grande sagesse qui découle de cela. Par exemple, lorsque tu vois une personne qui est éprouvée par un handicap, une personne qui est atteinte de cécité, qui est aveugle, une personne qui n'arrive pas à bouger un membre, ben ça te rappelle le bienfait d'Allah sur toi. Ça te rappelle le bienfait de la santé. Et tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala de t'avoir épargné et de t'avoir mis à l'abri de cette épreuve. Alors, de ce point de vue-là, c'est tayyib, c'est un bien. Car si toute créature n'avait aucun défaut, et si tout homme avait les mêmes facultés, la même faculté, ben on n'aurait pas pu se rappeler du bienfait de la santé comme cela. Alors lorsque tu vois quelqu'un qui est aveugle, tu remercies Allah Azza wa Jal de toi pouvoir voir. Et tu as honte par la suite d'utiliser ce bienfait pour regarder ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Donc c'est faillible ou pas? Non. Ajoute à cela qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il éprouve un de ses serviteurs et que ses serviteurs patientent, il lui accorde une énorme récompense. Donc il y a une sagesse qui découle de cela. Alors de ce point de vue là, c'est également tayyib. Ajoute à cela que yawm al-qiyama, Allah Azza wa Jal va lui donner une récompense immense, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque ahlul afiyah, les gens qui étaient en bonne santé dans ce bas monde, vont voir ceux qui étaient malades, ils vont les voir yawm al-qiyama et vont voir la récompense qu'Allah leur a attribuée, ils auraient aimé, à ce moment-là, ils auraient aimé, dans ce bas-monde-là, se faire découper par des scies. Se faire découper par des scies. Pour avoir une épreuve encore plus lourde que la leur. À quel moment, lorsqu'ils vont voir la récompense qu'Allah Azza wa Jal donnera à ceux qui ont eu ces maladies et ces épreuves. Donc tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, c'est tayyib. Même si de ton point de vue, tu vois des manquements, sache qu'Allah Azza wa Jal est sage dans ce qu'il décrète, dans ce qu'il a créé et dans tout ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les mers, que ce soit les montagnes, que ce soit le soleil, que ce soit la terre, le ciel, ta personne et tout ce qui est, sache que tout cela est tayyib, car c'est la création de celui qui est tayyib, subhanahu wa ta'ala. Même le pauvre, lorsque tu le vois, sache qu'il est tayyib. Sache qu'il est tayyib. La personne qui est pauvre, lorsque tu le vois, tu te rappelles le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur ta personne. Tu te rappelles le bienfait d'Allah sur ta personne et qu'il t'a mis à l'abri du besoin. Et sache que la personne qui est dans la pauvreté, peut-être que c'est un bienfait pour lui. Car certaines personnes, lorsqu'elles sont éprouvées par la richesse, s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'éloignent des demeures les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi les serviteurs d'Allah azza wa jal, rien ne les réforme si ce n'est la pauvreté. Et d'autres, la richesse. Et Allah azza wa jal donne à chacun ce qui est bon pour lui. Donc lorsqu'Allah ne te donne pas une chose après avoir fait les causes, après que tu aies fait les causes, ne pense pas que c'est par un manquement de sa part. Allah, c'est Al-Ghani, Al-Karim, Al-Jawad. Allah est riche, il est généreux, il donne avec largesse. S'il ne t'a pas donné, ça n'est pas par faiblesse ou manquement ou pauvreté. Mais c'est de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc la chose à retenir, c'est qu'Allah Azza wa Jal est tayyib dans son essence, dans ses noms, ses attributs, ses actions et tout ce qu'il fait. Et dans tout ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. Et si Allah est tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Et vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bon, pur, il n'accepte que ce qui est bon et pur. Il n'accepte que ce qui est bon et ce qui est pur. Allah subhanahu wa ta'ala fi ghinan 'anna. Huwa al-ghani al-hamid. قال تبارك وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est bon et pur, car lui-même est bon et pur. Sache qu'Allah n'a pas besoin de toi ni de tes actions, mais toi tu es dans le besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala à chaque moment. Si tu l'adores, c'est pour ta personne, c'est pour que le bien vienne vers toi. Allah lui, que tu l'adores ou que tu ne l'adores pas, il est riche et se passe de nos adorations. Et c'est les dignes de louange que nous l'adorions ou pas. Ça reste Al-Hamid. Ça reste Al-Hamid, subhanahu wa ta'ala. À partir de là, si tu veux emprunter un chemin qui te mène vers l'acceptation de tes actions et l'agrément d'Allah Azza wa Jal, tu devras emprunter un chemin tayyib et accomplir des actions tayyib. Tu devras faire des actions bonnes et emprunter le bon chemin. Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun fi nafsihi, fi dhatihi, fi asma'ihi, fi af'alihi. ولم يفعل معك إلا طيب وخلقك خلقا سويا طيبا ورزقك رزقا طيبا وأمرك بعبادة طيبة أو بعد كل ذلك تسلك طريقا غير طيب تتقرب إليه بغير طيب فأي عبد يفعل ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala est bon et pur. Il t'a créé de la meilleure façon et t'a donné ta subsistance bonne et pure. Après tout cela, il t'a ordonné de l'adorer par une adoration bonne et pure. Est-ce qu'après tout cela, tu vas t'approcher de lui par des choses qui ne sont pas bonnes ni pures? Est-ce que tu vas emprunter un chemin qui n'est pas bon et pur? Donc Allah c'est At-Tayyib, tu ne dois te rapprocher de lui que par At-Tayyib. Tu ne dois t'approcher de lui que par At-Tayyib. Wa hadha fi ash-shu'un kulliha. Fi al-ibadat. Fi al-mu'amalat. Fi kulli shay. Fi kulli shay. Al-i'tiqad la yakun illa tayyiba. Ala wifqi ma jaa fi al-Qur'an wa sunnah. في العبادات لا تكون إلا طيبة تخلصها لله سبحانه وتعالى وتعملها كما عملها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز الكتاب ولا سنة لا بالبدع والمحدثات. الله سبحانه وتعالى فدنو الطيب dans toutes choses. Dans les adorations et la croyance, Allah n'accepte de nous que ce qui est tayyib. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte que ce qui est tayyib. Car lui-même est tayyib. Donc dans ta croyance, tu dois prendre que ce qui est tayyib. Et la croyance tayyib, c'est celle qui est prise du Coran et de la Sunnah. Celle qui est prise du Coran et de la Sunna, tout ce qui est venu dans les textes, tu l'affirmes et tu y crois. Tu l'affirmes et tu y crois. En ce qui concerne les ibadat, les adorations, tu ne fais que ce qui est tayyib. Et cela avec deux choses. Premièrement, ikhlas uddin lillah. Premièrement, la sincérité. Tu saffi hadha al-qalb. Tu purifies ton cœur de rechercher l'agrément d'un autre qu'Allah Azza wa Jal à travers cette adoration. Tu te lèves ne te levant que pour Allah. Tu parles que pour Allah. Tu pries que pour Allah. Tu te prosternes que pour Allah. Tu aimes d'un amour adoration qu'Allah. Tu le crains d'une crainte adoration. Lui seul et nul autre que lui subhanahu wa ta'ala. tu purifies ton cœur de rechercher un autre que lui subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'ikhlas. Ala lillahi d-din al-khalis. Hada huwa l'amr alladhi amara Allah bihi fi kitab al-karim. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu d-din hunafa. Al-ay. L'ikhlas c'est la chose qu'Allah nous a ordonné dans le Coran dans de nombreux versets. Le deuxième point pour que ton adoration soit tayyiba, mutaba'atu ar-rasul al-karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait d'accomplir ton acte en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas t'approcher d'Allah azza wa jal par un acte d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ou ne nous a pas enseigné ou qui n'a pas été compris de la sorte par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa in fa'alt fa huwa mardudun 'alayk. Et si tu fais cela, il sera rejeté. Et Allah n'acceptera pas cela de toi. Car Allah est tayyib et n'accepte que ce qui est tayyib. Et l'innovation n'est pas tayyib à indallah. Allah subhanahu wa ta'ala yuridu minka an tataqarraba ilayhi bima shara'a ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'acceptera de toi. Et Allah ne veut de toi comme adoration que ce qu'il a légiféré. Que ce qu'il a légiféré et que ce avec quoi il a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans les transactions et dans le commerce, Allah n'accepte que ce qui est tayyib. Allah n'accepte que ce qui est tayyib. Ahallallahu al-bay'a. C'est pour cela qu'il a rendu permis illicite le commerce. Wa harrama ar-riba, il a interdit l'usure et les intérêts. Et les intérêts, car ça n'est pas tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram al-khamr wal-maisir. Il a rendu interdit l'alcool, car ça pousse à la turpitude et au mal. Et ça nuit à la personne et à son entourage et à la société. Il a interdit les jeux de hasard. Il a interdit tout ce qui est khabith. وضد الطيب الخبيث في مقابل الطيب الخبيث. Et à l'inverse du bon, il y a le mauvais, الخبيث. Et Allah Azza wa Jal nous a appelé vers ce qui est tayyib et nous a interdit ce qui est khabith. Dans le comportement, Allah accepte ce qui est tayyib et il n'accepte pas ce qui est khabith. Et Allah Azza wa Jal a fait les éloges dans son livre de ceux qui ont un bon comportement et a réprimandé et a critiquer ceux qui avaient un mauvais comportement. Dans les paroles, Allah n'accepte que ce qui est tayyib et rejette et n'accepte pas ce qui est khabith. Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu lises le Coran, aime que tu fasses du dhikr, aime al-qawlu al-ma'aruf. Allah aime les bonnes paroles. Allah aime que tu recommandes le bien et que tu interdises le mal. Tout cela car ce sont des paroles tayyibah. Et Allah Azza wa Jalla nous interdit la médisance, le colportage, les insultes, toute nuisance, toute parole qui viendrait à nuire à la personne, car cela n'est pas tayyib. Car cela n'est pas tayyib. Donc Allah Azza wa Jalla n'accepte que ce qui est bon, c'est général dans tout, dans la croyance, dans l'adoration, dans les transactions, dans le comportement, dans tout. Si toi, tu viens pour adorer Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il te convient de passer par une action qui ne sera pas tayyiba et après tout cela, tu espères qu'Allah va accepter de toi? Là. Un savant a donné un exemple en disant: imagine qu'un homme est invité chez une personne et il vole de ses vêtements. Ou bien plutôt il dit, imagine qu'un homme a cambriolé l'appartement d'une autre personne et il a volé des vêtements et il a volé de l'argent et ainsi de suite. D'accord? Et qu'un jour cette même personne l'invite. Est-ce qu'il pourrait se rendre à l'invitation avec les vêtements qu'il lui a volés. Vous imaginez la situation? Il a volé des affaires chez quelqu'un. Plus tard, cette personne l'invite. Est-ce qu'il aurait le culot de mettre les vêtements volés pour aller se rendre chez cette personne, alors que c'est à lui qu'il a volé tout cela? Il ne ferait pas cela. Ben, celui qui prend le haram et qui vole et qui utilise les moyens illicites pour se rapprocher d'Allah, il est à l'image d'un homme qui se dirige vers Allah Azza wa Jal et qui dit: Ya Allah, j'ai volé ça. Ya Allah, j'ai fait ça. Accepte de moi mon adoration. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va accepter de toi? Lorsque tu vas au Hajj, si tu as du haram dans ton argent, tu viens pour visiter la maison sacrée. Tu viens pour adorer Allah Azza wa Jal. Et Allah te voit venir dans sa demeure avec des choses volées. Et ensuite, tu attends qu'Allah Azza wa Jal accepte de toi ton Hajj et tes adorations. Qu'est-ce? Donc si tu veux qu'Allah Azza wa Jal accepte de toi, tu dois prendre le chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois prier avec des vêtements tayyib. Tu ne dois pas prendre des vêtements qui sont khabith. Tu dois prier avec des vêtements qui sont licites. Imaginez quelqu'un qui fait la prière et qui n'a pas fait ses ablutions. Est-ce qu'il a emprunté le chemin tayyib pour qu'Allah accepte sa prière? Non. Car Allah n'accepte pas de prière sans purification. Celui qui vole et ensuite il fait une sadaqa avec cet argent, est-ce qu'il pense qu'il aura les hasanat alors qu'il se rapproche d'Allah, il essaye de se rapprocher d'Allah avec al-khabith? Donc Allah est tayyib et n'accepte que ce qui est tayyib. Wa hadha al-bahth, et l'analyse de cette parole est longue et on pourrait parler encore longtemps. La suite: wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Ce qu'il a ordonné aux messagers. فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا. Allah a ordonné aux messagers. Où vous les... Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset: où vous les messagers, mangez de ce qui est licite et faites le bien. Je suis parfaitement au courant de ce que vous faites. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce verset, ordonne aux messagers quoi? De manger de ce qui est tayyib. De manger de ce qui est bon, de ce qui est pur, de ce qui est licite. Et il ordonne de faire des actions pieuses. Les actions qui sont tayyib. Les actions qui sont tayyib. Et Allah dit également: ô vous qui avez cru. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Ici on voit que ce qui a été ordonné aux messagers, c'est quoi? C'est de manger de bonnes choses et d'accomplir de bonnes actions. Ensuite le verset qui concerne donc les croyants: ô vous les croyants, mangez des choses licites, des nourritures licites que nous vous avons pourvues, et remerciez Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Les messagers, alayhim as-salatu was-salam, sont les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui le connaissent le mieux le craignent le mieux. Ce sont les exemples. Et Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers pour nous montrer le chemin. Pour nous apprendre à le connaître et l'adorer d'un culte sincère. Afin de nous enlever toute excuse yawm al-qiyam. Par miséricorde et pitié envers nous, il nous a envoyé cette miséricorde. Ce sont donc des exemples que nous devons suivre. Et tout comme les messagers mangent de bonnes choses et font de bonnes actions, toi le croyant qui dois suivre les messagers, tu dois faire la même chose. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah nous informe dans le Coran en nous disant qu'on a un parfait exemple à suivre en la même personne du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout comme ces derniers ont reçu l'ordre de manger de bonnes choses et des choses licites et d'accomplir de bonnes actions, toi le croyant, toi qui crois au prophète et au messager, tu dois les suivre dans la religion et ici dans le fait de ne prendre que ce qui est taïb, que ce qui est licite. Et on voit ici une différence entre les deux versets. C'est que dans le premier verset, ou bien plutôt dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jal dit « Mangez de bonnes choses » et il ajoute « De ce que je vous ai donné ». Il fait ce rappel « Yuzakkiruka bi ni'am »« Yuzakkiruka bil minna » بالمنن يذكرك بالفضل يذكرك بالإكرام وهذا من دواعي الاستسلام والشكر والإذعان لأمره وحكمه تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة تبارك وتعالى. Lorsque Allah s'adresse aux croyants autre que les messagers, ici il dit: manger des nourritures ou du licite que nous vous avons donné. Allah nous rappelle que ces choses-là, c'est lui qui nous en a fait don. C'est lui qui nous les a pourvus et nous a donné cela pour nous rappeler le bienfait, afin qu'on se montre reconnaissant et qu'on unifie Allah Azza wa Jal par le culte, et afin qu'on ne fasse tout ce qui est pas lui, parce que Allah a été bon envers nous. Il veut donc que nous fassions que le bon. Mais il n'a pas fait ce rappel aux messagers dans le verset passé. Pourquoi cela? Car le messager, de par sa nature et son niveau élevé, il sait que tout ce qu'il a lui vient d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal n'a pas fait ce rappel au messager, mais il l'a fait aux croyants. La troisième partie du hadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغث أغبر. Donc ensuite il a mentionné un homme. Puis il nous décrit cet homme. أشغث, qui a les cheveux ébouriffés. Ils ne sont pas peignés. Arbor, qui est rempli de poussière. Il est en voyage. Un long voyage. Donc ça, c'est une situation difficile. Et des textes, nous savons que celui qui est dans une situation difficile, Allah Azza wa Jal exauce ses invocations. Plus tu es dans une situation difficile, plus le secours d'Allah et la réponse d'Allah et sa miséricorde est proche de toi. Allah nous dit dans le Coran, il y a avec la difficulté la facilité. Et Allah nous dit dans le Coran, amma yujibul muttarra idha da'a wa yakshifu as-su. Qui est-ce qui répond à l'invocation de celui qui est dans une situation difficile? Donc, lorsque tu es dans une situation difficile, la réponse d'Allah est proche de toi. De plus, on a des textes qui montrent que le voyageur, ses invocations sont exaucées. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous enseigner les causes de l'acceptation des du'a. Il ajoute à cela, yamuddu yadayhi ila as-sama, il lève ses mains vers le ciel. Il lève ses mains vers le ciel. Et le fait de lever ses mains lorsque tu fais du'a, c'est une sunna. Et c'est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal exauce tes invocations. Exauce tes invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah hayyun sittir. Allah est pudique. Il est celui qui cache les défauts et les manquements des gens. Yastahi min ahadikum idha rafa'a yadayhi ilay an yaruddahuma sifra. Allah a honte, il est pudique, et il cache les défauts des gens. Il a honte. Lorsque l'un d'entre vous lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. Donc lever ses mains lorsque tu fais dua, c'est une cause pour qu'Allah exauce ses invocations. Lorsque tu es en voyage, et ici, dans un long voyage, c'est une cause pour qu'Allah exauce ton invocation. Ensuite, on lui décrit la situation difficile. Les cheveux non peignés, remplis de poussière, il lève ses mains. Et même dans la façon de faire dua, il a utilisé le bon comportement vers Allah Azza wa Jal. Ya Rab, Ya Rab, da'ahu bi rububiyyati. Oh mon Seigneur, oh Seigneur, il n'a invoqué pas la Seigneurie. Car le fait de répondre à l'invocation, c'est min afradir rububiyya. Avec ewal ilhah, il répète, ça aussi c'est une cause pour qu'on t'exauce. Donc tout ce qui est cité ici, c'est quoi? C'est les causes de l'invocation d'ad-du'a, de ad-du'a. Malgré ça, regardez la suite, ou écoutez la suite. Et une remarque, le fait de lever les mains, c'est une sunnah. Mais à certains moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, il ne convient pas donc aux musulmans qui croient en Allah et qui croient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui le suit, qui fait devancer sa sunnah devant tout autre, de lever ses mains dans les moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé ses mains. Dans deux moments. Premier moment, lors de la khutbah. Sauf lorsque l'imam fait dua yani al-istisqa, lorsqu'il demande la pluie. C'est le seul moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains lorsqu'il était sur minbar. Donc l'imam s'il fait dua pendant la khutbah, il ne lève pas les mains. Sauf s'il demande la pluie. Et ceux qui écoutent également. Et une fois on a dit ça, les gens se sont mis en colère, paraît-il. S'ils se sont mis en colère parce que j'ai mal parlé, il n'y a pas de mal à ça. S'ils se sont mis en colère après avoir entendu que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là c'est très grave. Car que tu te mettes en colère contre moi, soit, mais que tu te mettes en colère contre ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, là on a peur pour toi. Là on a peur pour toi, car le prophète, car Allah dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla a menacé de recevoir des troubles. Et le Mohammed a dit, le fitna shirk, celui qui contredit la sunnah est en danger. Et en danger, Allah le menace d'un lourd, d'une longue punition. على كل حال الحمد لله الذي هدانا الى السنه والتوفيق عزيز. Donc quoi qu'il en soit, remercie Allah Azza wa Jalla, celui qui nous a fait connaître la sunna et celui qui nous a guidé à la sunna. Et la guider, c'est une chose qui vient d'Allah. Et on cherche des excuses à nos frères en disant qu'ils ignoraient que cela était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'ils se sont mis en colère. Quoi qu'il en soit, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, après nous avoir cité toutes les causes qui étaient réunies chez cet homme qui a fait dua et qui a demandé à Allah Azza wa Jal, il nous cite à la suite les choses qui empêchent la réponse, qui obstruent la réponse, qui font qu'Allah ne va pas t'exaucer et te donner ce que tu as demandé. Il dit wa mat'amuhu haram. Sa nourriture est haram. Il mange des choses haram. Il mange de la viande pas halal, par exemple. Ou il mange du porc. Ou il mange le fruit de choses qu'il a volées. Ou il a acheté avec de l'argent haram. Et ainsi de suite. Ou il a pris sur son lieu de travail sans la permission. Wa mat'amuhu haram. Donc ce qu'il mange, ce qu'il consomme est illicite. Wa mashrabuhu haram. Ce qu'il boit est illicite. Ce qu'il boit, c'est illicite. Soit parce qu'il l'a eu, soit c'est parce que c'est halal à la base, mais lui se l'est approprié de manière illicite, comme le vol. Il boit de l'eau mais qu'il a volé par exemple, ou d'une boisson licite qu'il a volé. Ou bien parce que la chose est haram en soi, comme l'alcool et autres. boisson. Wa malbasu haram, ces vêtements sont illicites, soit parce qu'ils sont illicites en soi, soit parce qu'il les a eus d'une manière illicite. Pour l'homme par exemple, tout ce qui a de l'or ou bien la soie, cela est interdit pour les hommes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les choses qu'ils auront au paradis. Ou bien ce qu'il a pris de manière illicite, qu'il a volé. Ou bien ce qui comporte des représentations. Des représentations ayant une âme, les animaux et les humains. On n'est pas permis de mettre un vêtement comme cela. Wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram. Ou wa ghudhiya bil haram. Wa ghudhiya bil haram ay min qibal walidayn nasha'a 'ala akli al haram wa shurb al haram wal 'iyad billah bi sabab taqsir walidayn. Donc si on dit wa ghudhiya bil haram avec la shadda, ça veut dire qu'il a grandi dans nourri par le haram, c'est-à-dire ici on vise les parents. Ses parents l'ont nourri par le haram depuis sa tendre enfance. Hein? Et ici, une remarque importante, c'est que certaines personnes parmi les parents travaillent. Walhamdulillah. Mais sur le lieu de travail, ils prennent des choses. Ils volent des choses, walhamdulillah. Et ensuite, ils ramènent cela à leurs enfants. Ils ramènent cela à leurs enfants. Ben, ça rentre dans le hadith. Wa ghudhiya bil haram. Ou bien, ils disent, ils sont petits, ils ne sont pas obligés de manger de la viande halal, et leur amènent des choses haram. Et lorsque tu leur fais la remarque, ils disent, mais ils sont petits. Certes, ils sont petits, mais toi, tu es grand. Subhanallah al-Azim, quelle est cette excuse? Elle n'est pas acceptée sans aucun doute. Waladuka biz'un mink. Ton enfant, c'est une partie de toi. Tout comme tu ne veux pas mettre du feu dans ton ventre, tu dois détester également cela pour ton fils, pour ta fille, pour tes enfants, pour tes proches. Tu ne ramènes que chez toi que ce qui est haram, que ce qui est halal, tayyib. Et une femme chez les salafs, lorsque son mari sortait pour travailler, elle l'attrapait, elle lui disait, ya fula, oh un tel. Fa innana naqdir ala an nasbir ala al-jou' wa la nasbir ala al-nar. Subhanallah. Regardez la parole de cette femme pieuse. Lorsque son mari sortait le matin pour aller travailler, elle venait à la porte avec ses enfants. Elle disait, oh un tel, sache qu'on peut patienter sur la faim, mais on ne peut pas patienter sur le feu de l'enfer. Si tu ramènes du risque halal qu'Allah t'a facilité, alhamdulillah. Mais ne ramène pas le haram. Car le haram, c'est une cause pour entrer en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un corps qui a grandi dans le haram ne rentrera pas au paradis. Le feu de l'enfer est plus en droit de le recevoir. Subhanallah al-Azim, comment après ça on pourrait ramener du haram pour nos familles, pour nos épouses et nos enfants? فعلينا أن نتورع من الحرام. On doit prendre du recul devant les situations douteuses, à plus forte raison celles qui sont illicites, les choses qui sont illicites. Et si c'est sans la shadda wa rudhiya bil haram, rudhiya bil haram, à ce moment-là c'est lui, d'accord, il se nourrit, voyez, du haram, c'est-à-dire lui-même, après avoir atteint un certain âge et qu'il a eu les moyens, il ne dépend plus de ses parents, ben il prend de ce qui est illicite. Il prend de ce qui est illicite. Et rentre dans cela, ad-dukhan, la cigarette. C'est haram et c'est khabith. Sans aucun doute, ça ne rentre pas dans le pays. Et rentre dans cela, toutes les drogues. Toutes les drogues. Et toute substance qui est utilisée et qui est khabith, qui n'est pas bon pour la personne. Car Allah nous a rendu halal ce qui est tayyib et nous a interdit ce qui est khabith. Même chez les femmes, il nous a rendu halal les femmes tayyibah. Il ne veut pas pour nous el khabith. Allah dit el tayyibah, tous les tayyibis. Les femmes bien, pour les hommes bien. Et les femmes mauvaises, pour les hommes mauvais. Dans la nourriture, dans la boisson, dans tout, tu dois aller vers le tayyib. Ensuite, après avoir dit tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fa anna yustajabu la istib'at l'istijabatillahi li hadha al-'abd. مهما اجتمعت فيه أسباب الاستجابة ما دام واقعا في أسباب المنع من أكل الحرام. لما وقع في الخبيث ما استجاب الله له. Donc, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comment serait-il exaucé? C'est-à-dire qu'il voit loin de lui l'acceptation d'Allah. C'est comme si on disait, mais comment? Yani, mais comme est loin la réponse d'Allah pour ce serviteur? Car il a mis sur lui et dans son ventre le khabith et n'a pas pris le tayyib. Car Allah est tayyib et n'accepte que ce qui est tayyib. Tu veux qu'Allah accepte tes doigts, il faut que tu viennes à Allah avec un tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait que ce qui était tayyib. Il n'a jamais mangé de choses haram et khabith. Des mois, par moments, il ne mangeait pas de viande. Et on n'allumait pas le feu dans sa cheminée. Il ne trouvait rien. Malgré cela, il ne s'est jamais dirigé vers le khabith. Jamais. Il mangeait des dattes et buvait de l'eau. Et buvait de l'eau. Certains parmi les compagnons mettaient des pierres sur leur estomac car ils ne trouvaient rien de taïb à manger. Et ils ne voulaient pas s'approcher du khabith. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu faisait tellement attention à ça qu'un jour on lui a donné quelque chose à manger. Lorsqu'il l'a mangé, il a dit à son servant ou à cet homme, d'où est-ce que vient cela? Il lui a dit, kuntu fil jahiliya takahantu li rajul. Dans la période anti-islamique avant l'islam, j'ai fait, ou comment on va dire ça, yani j'ai fait semblant, je me suis fait passer pour un devin auprès d'un homme. Et je lui ai fait croire que je connaissais le futur. Et il ne m'avait pas donné de salaire. Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a donné un salaire. Voici ce dont tu manges. Abu Bakr radiallahu anhu s'est fait vomir. Abu Bakr s'est fait vomir. Il ne voulait que rien de khabith ne rentre dans sa bouche tayyiba. Il prononce que ce qui est tayyib. Radiallahu anhu. L'imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il est parti visiter l'imam Malik était très content de sa venue. Et il disait, l'imam Shafi'i va venir, l'imam Shafi'i va venir. Et il disait cela à sa fille. Et lorsqu'il est venu, ils lui ont servi le repas le soir et ils lui ont laissé de l'eau pour faire ses ablutions. Car les gens de science se lèvent la nuit, une partie de la nuit, pour adorer Allah Azza wa Jalla à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, lorsqu'ils ont voulu ramasser l'ensemble, ils ont vu qu'il ne restait plus de nourriture et que l'eau n'avait pas bougé. Alors la fille de l'imam Malik a dit à son père, tu faisais que de me répéter l'imam Shafi'i, viens l'imam Shafi'i, et comme ça, et tu vantais ses mérites. Regarde l'imam Shafi'i, l'eau elle n'a même pas bougé, c'est même pas le... Donc, on comprend quoi? Il ne s'est pas levé, il n'a même pas pris de raka'a la nuit. Et on a posé la nourriture, il a tout mangé, il n'a rien laissé. Et parmi l'habitude des gens pieux, c'est qu'ils ne mangeaient pas beaucoup. Alors l'imam Malik a été intrigué par cette situation. Lorsque l'imam Shafi'i est venu, il lui a exposé le problème. L'imam Shafi'i lui a répondu, en ce qui concerne la nourriture, depuis que je suis sorti de chez ma mère, je n'ai pas rempli mon ventre une seule fois. De peur que dans la nourriture des gens, il y avait une partie de haram. Mais lorsque je suis venu chez l'imam Malik, j'ai su que c'est un homme qui craignait Allah et qui ne faisait rentrer chez lui que le halal. Et il faisait attention à tout. Alors j'ai voulu me rassasier de tayyib. Subhanallah. Et les savants ont même dit que c'est une cause de guérison lorsque tu manges que du tayyib. En ce qui concerne le niveau de l'eau qui n'a pas bougé, l'imam Malik était à Médine et l'imam Shafi'i ne venait pas de Médine. Donc lorsqu'il est venu, il était émerveillé. Il était dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était chez l'imam Malik, il dit je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Toute la nuit j'ai pensé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux endroits de Médine. Et je me suis dit, tel endroit c'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Tel endroit c'est où tel hadith a eu lieu. Tel endroit c'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché. Et toute la nuit j'ai pensé à ça. Donc j'ai pas perdu l'autre. C'est pour ça que j'ai pas touché à l'autre. Alors l'imam Malik était content, il est parti donner l'information. À sa fille a dit, voilà l'imam Shafi'i. Voyez, voilà l'imam Shafi'i. Rahimahullah ta'ala. Et Shahid, pourquoi est-ce qu'on a cette histoire? Pour montrer combien ils faisaient attention à ce qui rentrait dans leur ventre. Subhanallah. Et les histoires sur ce point, wallahi, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses chez les pieux prédécesseurs. Elles sont très nombreuses chez les pieux prédécesseurs. Certaines personnes délaissaient le halal de peur de tomber dans un haram. Par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce hadith, on tire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tayyib. Et que parmi ses attributs, at-tayyib. Et on tire de cela que celui qui veut qu'Allah accepte ses actions doit emprunter un chemin qui est tayyib. Et c'est le chemin par lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te faut aussi la sincérité. On tire aussi que nous avons l'obligation de suivre, comme exemple, les messagers. Car Allah Azza wa Jalla les a élevés et préférés. Et il les a purifiés. On tire aussi de ce hadith que nous devons nous éloigner de l'illicite et prendre que ce qui est licite, comme nourriture et comme boisson. On tire aussi les causes de l'acceptation des du'a. Le fait d'être en voyage, le fait d'être dans une situation difficile, le fait de lever ses mains lorsque tu fais du'a, le fait d'invoquer Allah, Ya Rab, Rabbana. Allah nous dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا دُعَى عِبَادَةً وَدُعَى مَسْأَلَةً وَدُعَى مَسْأَلَةً تَتَوَسَّلَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْمُنَاسِبَةِ أَوْ أَنْ تُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِكَ إِسْمًا مُنَاسِبًا لِلَّهِ قَبْلَ أَوْ فِي أَثْنَاءِ طَلَبِكَ أَوْ حَاجَتِكَ فَتَقُولُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ ارْحَمْنِي يَا رَزَّاقُ ارْزُقْنِي يا غفار يغفر لي. Donc le fait d'invoquer Allah en utilisant ces noms, c'est une cause pour qu'Allah t'exauce. Aussi on voit les causes qui font qu'Allah n'acceptera pas de toi. Et ça se résume dans quoi? Le fait d'aller dans le khabith, le contraire du tayyib. Le fait d'aller dans le khabith, le contraire du tayyib, que ce soit dans la nourriture, dans la boisson, dans les vêtements. فأنا يستجاب له رواه مسلم فهذا حديث عظيم. Ce hadith là c'est un hadith عظيم. Celui qui médite sur ce hadith et sur Inna Allah tayyibun, qui médite les cieux, la terre, les gens et tout ce qui se passe dans les cieux et la terre et comment tout est en harmonie, il verra ce hadith là et il comprendra ce hadith là et cela lui montrera qu'Allah n'a aucun défaut, qu'il est parfait subhanahu wa ta'ala. والحمد لله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح والنسائي. D'après أبو محمد مسأسس كنيا الحسن بن علي ابن أبي طالب. Donc le petit-fils Sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. As-Sibt Ibn al-Bint. As-Sibt Ibn al-Bint. Sibti Rasulillah, Sibt, ça veut dire le petit-fils, lorsque c'est l'enfant de ta fille. Lorsque c'est l'enfant de la fille. Mais si c'est du fils, on donne à ce moment-là un autre nom. Donc Sibti Rasulillah, sinon tu dis Hafid. Sibti Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, raihanatu. Donc il est madha et sa senteur. Al-Rayhana nabtun dhatu itr. Rayhana, c'est une fleur. C'est une fleur connue qui a une bonne odeur. Qui a une bonne odeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, c'est l'époux de Fatima radiallahu anha. Et parmi leurs enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Ils étaient petits à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, il dit Hafidtu, j'ai mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous dire que c'est sûr qu'il a entendu ça. Et même s'il était petit, il a mémorisé. Et quand il a grandi, il a donné le hadith. Et dans la science du hadith dans le mustalah, on dit que l'enfant, s'il est moumayyiz, il distingue, s'il mémorise étant petit, et qu'il donne le hadith en étant grand, on accepte son hadith. Tout comme le kafir billah, s'il mémorise en étant kafir, ensuite se convertit à l'islam, et donne le hadith, on accepte de lui le hadith. On accepte de lui le hadith, car il l'a donné à un moment où il remplit les conditions du rawi, du rapporteur de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Au point où ici, Al-Rawi, le rapporteur du hadith, dit « wa rayhanatu » sa senteur. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar. Et vous connaissez la grande miséricorde qu'il avait. Envers les mondes et particulièrement envers les enfants. Et il les a vus marcher au loin. Il faisait un pas puis trébucher. Imagine cette scène, subhanallah, comme si tu voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar. Il est en train de parler aux compagnons et il voit au loin ses deux petits-enfants avec de beaux vêtements avancés et tombés. Ils n'arrivent pas à marcher de par leur jeune âge. Au point où il n'a pas patienté, il est descendu et les a pris. Il a arrêté de parler. Il est descendu et les a pris dans ses bras. Et a dit, Sadaqallah. Allah a dit vrai. Vous avez en vos enfants et vos richesses une épreuve. Subhanallah. Il les aimait énormément. Il a fait les éloges de l'Hassan. En disant, Inna ibn hada sayyid, mon fils, Al-Hassan, c'est le meilleur. Et ces deux gens, ces deux personnes-là, Sayyida, Shabab et Ahlil Jannah, ce sont les meilleurs des jeunes du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Hassan, Al-Hassan, par sa cause, Allah va réconcilier entre deux grands groupes chez les musulmans. Ça s'est réalisé à l'époque de Yazid ibn Muawiyah radiallahu anhu. Après la mort de Ali ibn Abi Talib, les gens prêtaient allégeance à Al-Hassan. Et dans une contrée, ils ont tardé à prêter allégeance à Al-Hassan. Et se sont dirigés vers Muawiyah radiallahu anhu ajma'in. Alors Al-Hassan a voulu son droit, qui lui revenait le droit, le calife. Car c'était la meilleure personne. Il s'est donc dirigé vers Muawiyah et son groupe afin de régler le problème. Et en arrivant, ça a causé des troubles et ça a failli découler sur une guerre entre deux groupes de musulmans. Al-Hassan, à ce moment-là, a médité et a analysé la situation avec science et avec sagesse. C'est comme s'il s'est dit, si on les combat et on gagne et que je prends le pouvoir, on va faire le couler le sang de qui ? Les musulmans. Et s'ils nous combattent, ils feront couler le sang de qui ? Des musulmans. Alors quelle que soit la fin, le sang des musulmans aura coulé. Alors il a refusé son droit et a abandonné son droit à Muawiyah radiallahu anhu en mettant des conditions. Et les conditions ont été acceptées et par sa cause, Allah Azza wa Jal a réconcilié les musulmans et a évité les fusions de sang. Et ça, c'est une grande sagesse qu'on doit prendre entre nous ici lorsqu'il y a des divergences. Veillez à chaque fois que c'est As-Sakina qui s'installe, à la sérénité et la tranquillité. Même si on a un droit, on le laisse pour la maslaha amma. Et on va s'arrêter sur ça. On continuera la semaine prochaine, inshallah ta'ala. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وافقنا لما تحب وترضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك